Mardi 4 septembre, de 14 à 16 heures. Il pleut sur les Baumettes. Décidément, la vue de ce côté-ci du bâtiment est plus paisible mais aussi plus triste que du côté court. Mais n'est-ce pas de se calmer de cette tristesse dont j'ai le plus besoin? Le ciel est gris comme la peau d'un reptile, les Baumettes sont sa bouche et ses dents. Je sens qu'à présent la prison m'avale, et que j'entre dans ses entrailles. Lentement elle va me digérer, elle va prendre le temps. Pendant les jours précédents, comme il faisait beau, je suis descendu dans la cour. Maintenant, il s'est mis à pleuvoir. Quelques gouttes d'abord. Bientôt il pleut à verse, et je chante une complainte de pluie argentine. L'immeuble entier résonne à présent des rafales, qui s'abattent sur sa toiture. Je suis seul et je ne descendrai pas en promenade cet après-midi. Il pleut à n'en plus pouvoir. À mon avis, personne ne descendra en promenade cet après-midi. Pourtant, j'entends marcher, se presser, s'interpeller dans les coursives. Du monde à tous les étages. Je guette les pas des allées et venues debout devant la porte. Ils vont à Vienne, je les entends. Peut-être va-t-on m'ouvrir. J'attends un moment. Personne ne vient. Peut-être ont-ils prévu que je voie le psy dès cet après-midi, et qu'ils viendront me chercher tout à l'heure. Mon quotidien, jusqu'à présent a oscillé entre des moments de solitude, confiné dans ma cellule, comme à présent, et d'autres où j'ai croisé plein de monde, trop de monde, dans les couloirs et dans la cour. Des détenus par dizaines, des surveillants par poignées entières. Je ne me doutais pas qu'il y avait autant de gens en prison, et plus de personnel encore que dans un grand hôtel. Tous ces surveillants, ou dois-je les appeler les matons, en livrée comme à la parade, avec leur uniforme bleu, sombre et triste. Je les vois qui se relaient, se retrouvent, s'interpellent, s'apprécient ou s'évitent comme le font de leur côté les détenus. Chacun ici prend ses habitudes. Tous nous menons une vie à l'ombre, des existences en parallèle. Beaucoup de nos geôliers font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose. Parfois, ils nous houspillent, le plus souvent ils tentent de nous ignorer. Un de mes nouveaux compagnons d'infortune m'a dit l'autre matin, alors qu'on nous pressait, le jour où nous nous sortons, eux ils restent. C'est pas mal vrai ça, une vie entière en prison. À moins que la vie entière ne soit en définitive qu'une prison, pour eux comme pour nous, comme pour chacun d'entre nous. Amen. J'espère au moins qu'ils, et qu'elles, car il y a aussi des geôlières, tentent eux parfois, à leur façon de s'évader. Je resterai seul en cellule cet après-midi. J'en profite pour faire du sport en chambre, je m'organise un circuit, un gymkhana où j'effectue des pompes et des abdos, des mouvements pour les jambes et les cuisses. Je m'accroche aux barreaux des fenêtres pour travailler les muscles du dos. En prison, on s'occupe comme on peut, et la santé c'est important. Il faut savoir se conserver. La pluie a maintenant cessé. Ma cellule est silencieuse et calme. Malgré tout, elle a tenu le coup dans le déluge. Tel un îlot, elle émerge, perdue parmi les cris, les appels, les coups de pied dans les portes. Le bruit autour de moi, lui, ne s'apaise pas, il reprend de plus belle, il devient infernal. Il m'envahit sans que je puisse y échapper, sauf à mettre du papier hygiénique dans les oreilles, pour tenter de me protéger à peine. Je voudrais ne plus rien entendre. Que vais-je devenir échoué sur ces récifs assourdissants? Il ne me reste à présent qu'une cigarette et toujours pas de feu. Viendra-t-on m'ouvrir?